9h, on va rater l'avion. Traveler, passeport. Tu as les billets, chérie. Tabata, tu as donné à manger à Roddy. Oh, flûte. Je sais qu'on oublie quelque chose, j'en suis sûre. Roddy, où tu te caches? On revient dans quelques jours, alors voilà des provisions. Encore un peu. Tabata! Encore un peu. J'espère que tu ne lui en mets pas trop. Bien sûr que non, maman. Dépêche-toi, Tabata. Au revoir, Roddy. Tu jurerais de nous faire rater l'avion? J'arrive, j'arrive. Puisque le chat n'est plus là, les souris vont danser! Écoutez-moi tous, les vacances commencent! Musique maestro! Allez, debout là-dedans, réveillez-vous! Le programme de la journée est extrêmement chargé! Ne restez pas plongés là! Hop, hop! Non, non, non, non, non, non, non! Bouclez vos ceintures, en route. Pardon. Le golf, c'est fait. À le match, service. On a gagné. Notre équipe a gagné, on est les meilleurs. La plage, c'est fait. Je suis invité à la première d'un film. Magnifique. Ah, mon préféré, meurt encore demain. Vous vous amusez, très cher. Merci beaucoup. À demain. Bonne nuit. Bonne nuit. Bonne nuit. Bonne nuit. Bonne nuit. Bon ben, bonne nuit, Roddy. C'était quoi ça? Qui est là? Réveillez-vous. Je crois qu'il y a un cambrioleur. Mon adjutant, réveillez-vous! Nous approchons des lignes ennemies. Je suis armé et paré. Repose-la. Déposez vos armes de destruction massive. Venez me chercher. Ça suffit. Arrêtez, arrêtez. Je suis armé et paré. Dites en mon que je... Oh. Jamais, je répète, jamais on a eu une bouffe aussi géniale dans les égouts. Un rat d'égout. Qui êtes-vous? Comment êtes-vous rentré? Mais je sais rien. J'étais en pub, bien peinard. Et d'un seul coup, ouf, une canalisation pète, me va aspirer dans les tuyaux et voilà, hop, je me retrouve chez toi. Quelle histoire! Attendez, j'ai une ventouse pour déboucher les effets. Si vous voulez, je vous réexpédie chez vous. Hein? J'adore les sardines. Je vous appelle un taxi. J'adore les sardines! Quand ça a dîné? Sardines! T'as la télé? Ben oui, mais... Un mot de plus! Non. Arrêtez! Non! Non! Ne touchez à rien! Fissez-moi un peu la taille de ce monument! Hé, fais gaffe, mon pote! C'est pas des crottes en chocolat! C'est le match du siècle! La finale! Retransmission de la finale du mondial Angleterre! Ouais. Allemagne! En direct dimanche! À dimanche! Cette baraque est géniale! Je m'installe ici pour toujours! Quoi? Oh, le match service! On l'a gagné! Oh, t'es nul! T'es lessivé! Maintenant, j'en ai assez. Vous n'avez absolument rien à faire ici. Je vous demanderai donc de partir tout de suite. Je te conseille pas de faire ce genre de truc, petite tête. Je t'explique le topo. Je suis chez moi ici à partir d'aujourd'hui. Alors quand Sid t'appelle, toi tu te radines sans discuter. C'est tout. T'as pigé. File à la cuisine chercher des petits beurres, compris, Firmin? Et dépêche-toi un petit peu, s'il te plaît. Oui, monsieur. Tout de suite, monsieur. Tu vois quand tu veux. Mais... si je puis me permettre, monsieur, avant le petit déjeuner, je vous suggère de faire un tour dans le jacuzzi. Sans blague, un jacuzzi. Tu veux que je te dise qu'il y a un vrai gentleman? Trop aimable. Après une dure journée de voyage dans les canalisations, rien de tel que de se détendre dans un jacuzzi dont les remous vous massent. Alors ça, je dois dire que ça donne envie. Oui, d'ailleurs, la température de l'eau est parfaite. Alors, vous n'avez plus qu'à piquer une tête et j'appuie là pour déclencher les bulles. C'est ça! À la une! À la deux! Oh là là, mais attends un petit peu, attends. Je sais, ça s'est mal embrayé entre nous, mais je crois qu'on va s'entendre tous les deux. Hein? Qu'est-ce que t'en dis? J'en dis que tout baigne. À bientôt, l'ami. Frappe brutale, tu croyais que j'avais jamais vu de toilette, c'est ça? T'avais plus qu'à tirer la chasse et à te perdre. Non, je vous jure, c'est un grand jacuzzi, modèle de luxe. Alors tu vois pas d'inconvénient à ce que j'appuie là sur le levier? Non, s'il vous plaît, non, pitié, arrêtez, je sais pas nager. Voyage, mon choupinet. Arrêtez, vous n'avez pas le droit, hein. On va voir si ça te plaît. T'as pas vu mon papa? Je serai à la maison, c'est à la fois un cauchemar. Non, je ne suis pas à la maison, je veux rentrer. Chut, ça suffit, Rodi, ça suffit. Mais je veux rentrer chez moi. Reprends-toi, Rodi. Non, je ne peux pas, j'ai trop peur. Arrête maintenant, ça suffit. Ressaisis-toi, mon vieux. Tu es capable de t'en sortir. Et tu vas t'en sortir. Souviens-toi, Roddy. Le sang bleu du clan St. James coule dans tes veines. Une sortie ? Oui ! J'ai mis 3 ans à dessiner ça. Oh, excusez-moi, je suis navré. 3 ans? Je viens de le finir ce matin. 3 ans? Juste ciel! Mais où suis-je tombé? C'est une vraie ville. Mais tu pilotes ? C'est un oiseau ? C'est un avion ? C'est mon caleçon qui porte ? Fais-le bouger, chérie ! Mais t'as autant d'expression qu'une poêle à frire, mec ! Vas-y, chérie ! Je crois qu'il parle pas notre langue. Eh, il a bougé ! T'as réussi à l'avoir ? Je l'ai eu ! Bravo ! Oh, je suis navré. Oh. Elle s'approche. Qui? Quoi? Hein? Où? La catastrophe! L'inondation! Ces vannes ne tiendront pas toujours! La fin du monde! Laissez-moi pouvoir tourner le dos à la vérité! Allons, qu'est-ce qui se passe ici? Oh, grâce au ciel, un agent de police! Ce détraqué ne veut pas me lâcher! Bonjour, Harold. Bonjour, Colin. Comment va? On a connu pire. Écoute, tu devrais surveiller cet individu. Il est un peu toqué. Quoi? La fin Moi du monde. Non, mais vous plaisantez. Allons-y, la police va vous raccompagner chez vous. Oh, génial. J'habite Kensington. Oui, mais là-haut, hein, à la surface. Ça m'étonnerait. Non. Les hommes n'aiment pas nous voir là-haut. Parlez pour vous. Là-haut, chez moi, on m'apprécie beaucoup. Oh, faudrait voir à causer sur un autre ton. Je vous préviens, dorénavant, je vous ai à l'œil. Alors comme ça, t'aimerais remonter là-haut, mon saillant? Oui. Je connais une certaine personne qui pourrait t'aider. Peut-être. C'est vrai? Un drôle de numéro. Le capitaine du Jammy Dodger. Si t'arrives à le trouver. Moi, je sais où il est. Et n'oublie pas, le bateau s'appelle le Jammy Dodger. Merci de m'avoir accompagné jusqu'à là. Y'a pas de quoi, nous saillons. À plus tard. Autorisation de monter à bord. Oh, il y a quelqu'un? Pas déranger, monsieur, commandant, skipper, truc. Pop, mademoiselle. Commandant, skipper, truc, tu veux? Oh, pardon. Je pourrais savoir ce que tu fais sur mon bateau? J'ai une journée terriblement éprouvante. Aidez-moi, s'il vous plaît, j'ai été expulsé de chez moi par la chasse d'eau des toilettes. Ça va, j'aime mieux pas en savoir plus. Mes problèmes me suffisent, petite tête. Elle doit être planquée par ici! Baisse-toi! Ah! Ferme-la! Pourquoi? Et pourquoi on se rend? Tais-toi, j'ai dit! Il y a des rats qui veulent me faire la peau. Oh, je veux bien taire mon étonnement. Ça va? Ça va? Aussi discret qu'une petite souris. Je regrette beaucoup. Bon, bah, je vais peut-être y aller, hein. Désolé. Ah, oh, oh. Désolé. Désolé. Désolé. Allez, ces papiers. Oh non. Marc, Tammy, mon Dieu, tu peux pas faire ça. Ah. Oh. Lâche-moi donc, espèce de gros tasse-graisse. Là, tu m'as mis en rogne. Ah, j'ignore la nature de votre différend, mais moi je n'y suis pour rien. Ah, je suis passé par là par hasard. Rita, Rita, Rita. Tu croyais pouvoir nous échapper? Tu veux ma photo? Bouge pas! Bats-toi! Allez! Que vois-je? Qui c'est, celui-là? Monsieur vient de nous dire son nom. Passez par là, Balthazar. Balthazar! Non, en réalité, je m'appelle... Rita, où est le rubis? J'attends. Le chef demande où est son rubis. J'en sais rien, je l'ai pas, votre maudit rubis. Écoute, Rita, qu'est-ce que tu préfères, la méthode douce ou bien la méthode forte? Tu sais, moi, je préférerais la méthode douce, Spike. Non. Dans la boîte. Ok, t'as gagné. Eh ben voilà. Tu vois, Blanco, ça c'est ma méthode. Apprends ta leçon, petit. Regarde-moi. Alors, il est dedans? D'accord. Fouillez-moi ce bateau! Hé hey, ah. Vous deux, enlevez vos sales pattes de là. C'est mon journal intime. Il est tout prêt. Je le sens. J'en ai l'estomac serré. Ben moi, c'est pareil. Ça doit être le curry d'hier. C'est plus un bide que c'est un lance-flamme. Je vous en prie, dites à ces messieurs que je n'y suis pour rien. Si tu veux. Attendez, écoutez. Ce gentleman est étranger, il n'est pas d'ici. C'est très gentil. Il n'y a qu'à voir l'élégance de sa tenue. Oh, c'est trop. Réfléchissez. C'est un as du vol de pierres précieuses, voilà. C'est exact. Hein? Quoi? Non, non. C'est lui qui m'a volé le rubis. Si non, non, non, elle déraille. Je n'ai rien volé, elle ment. C'est assez. Puisque c'est comme ça, je vous livre au terrible casse-noisette. À toi de voir, petite tête. Tu dis tout ce que tu sais tout de suite ou tu attends et tu parles à casse-noisette. Oui, mais d'une voix très aiguë. Regarde, patron, le casse-noisette est vivant. Je te ferai chanter comme une bouilloire. Elle est bonne, celle-là. J'ai jamais vu celle-là. Je sais rien, je peux rien vous dire. Attention, mademoiselle, vous risquez de vous faire du mal. Oh, attendez, je sais où est le rubis. Alors parle, crache ce morceau. Pas intérêt, je te préviens. Regardez le postérieur, où je me trompe, où il a une drôle de forme. Alors toi, t'es qu'une sale donneuse. Le butin est dans le popotin. Hé hey Oh, le merci, petite tête. Le patron va être tellement content de nous. Oh, toi, t'es cuit. Alors comme ça, t'habites là-haut, toi. J'y travaillais avant dans un labo de produits de beauté, moi. Ouais, il faisait parler la poudre. Et j'avais le poil gris foncé avant toute cette histoire. Ouais. Résultat des cours, je suis débarrassé des pellicules. Hein? Des vannes? Le mondial est devenu l'événement sportif le plus regardé dans le monde. Et dans deux jours, vous êtes là, patron? Bon, voilà. En finale, je l'ai, patron. Le rubis. C'est moi qui l'ai retrouvé. Si on veut être précis, Spike, c'est Balthazar qui l'a retrouvé. En réalité, je m'appelle Roddy. Et en échange de ce petit service, j'espérais que vous pourriez... Ah! Parce que voilà, je me suis mis dans le pétrin et j'ai pensé que vous pourriez m'aider. Ah, c'est vous. Tiens, bonjour, Rita. Salut, beau gosse. Et lui, d'où sort-il? Il est serveur dans un restaurant, ton soupirant? Mon soupirant, lui? Moi, serveur? La pierre est de nouveau à moi. Imaginais-tu pouvoir me voler ce rubis? Quoi? Ce bijou appartenait à mon père, tu le sais très bien, canaille. Aïe. Ton père n'est qu'un chiffonnier, un vaurien, et tu es digne de lui. S'il vous plaît, en réalité, c'est moi qui ai retrouvé votre rubis. Par conséquent, vous pourriez peut-être faire preuve de générosité et m'aider à rentrer chez moi. Aidez-moi. Mettez-moi ça à la poubelle. Non, je vous en prie, je veux rentrer chez moi à Kensington. Kensington? Là où est le palais royal? Au-dessus de mon royaume? Oui, en haut, dans le monde des hommes. Quelle joie! Un homme de qualité! Enfin reconnu pour ce que je suis. Suivez-moi, j'aimerais vous montrer mes collections. Je crois que vous les jugerez distrayants. Mon sanctuaire dédié à la beauté. Des œuvres d'art exécutées en hommage à notre famille royale bien-aimée. Le buste de Victoria en biscuit de Sèvres. Quelle classe! Quelle fidélité au modèle vivant! Tout à fait, il ne lui manque que la parole. Tellement douce et lisse au toucher. Quel séducteur vous faites! Jeune homme, venez, nous réinstallerons de conserve le clou, le joyau de ma collection. Ce rubis, autrefois chu du pont même d'un souverain antique, un vrai joyau de la couronne. Eh bien, qu'est-ce que vous dites de ça? C'est un vrai malade! Sauvez-vous! Sauvez-vous! Pardonnez-moi, je crains d'avoir la langue chargée. Mais un bijou de famille d'une taille exceptionnelle. C'est exact. Comment est-il parvenu jusqu'à moi, ici, dans les bas-fonds où je suis cloîtré, où seul règne l'obscurité? Oui, à propos, j'aimerais beaucoup voir le reste de votre collection. Je la trouve très amusante, mais j'ai d'autres... Amusante? Vous disiez que je la trouverais amusante? J'ai dit que vous la trouveriez distrayante, et non amusante! Ah oui, oui, mais quand je dis amusante, j'avais à l'esprit le sens de la Grèce antique, la muse, la divinité de l'inspiration. La muse. Il casse la baraque. Oh, le ciel me protège. Refroidissez-le. Tous les deux, refroidissez-les. Voyons s'il y a quelque chose de bon au congélateur. D'anciens ennemis, tous autant qu'ils sont. Une jolie liste de voleurs, de traîtres et de bonnes âmes. Bon voyage. Et en cas d'urgence, brisez la glace. Celle-là, à chaque fois, elle me fait marrer. Congélation. De l'azote liquide, ça va nous congeler instantanément. Il y a un trombone dans la poche de mon fut. Essaie de le sortir. Ah ! Dans la poche, j'ai dit, la poche. Ma main, c'est froid. C'est pour ça que j'ai mis des moufles. Ah, on n'a jamais vu un tueur à gage avec des moufles. Enlève-moi ça, mais tu me fais trop honte. Avec les petites mains que t'as, toi, tu sens rien. Je l'ai. Plus c'est petit, moins ça refroidit. Mes mains sont pas petites. Bien sûr que si. T'as des mains de femme. Ouais, ben... Elles sont peut-être petites, mais c'est des armes fatales! C'est les mains de ta mère que t'as. Allez, maintenant, joins les mains. Tu l'as dit, mon fils. C'est pas... Ah, mais je suis pas un bon. Hé, arrête, j'étais pas comme ça! Démarrage de la sorbetière! Maintenant, admirons la dernière pièce de ma collection. Quoi ? Bande d'abrutis ! Regarde bien, tu le reconnais ? Maintenant, il est à moi ! Espèce de gros sac gluant rempli pâte ! Ne les laissez pas s'échapper ! Mais non, j'arrêtez pas ! Quel est notre plan ? Notre plan ? Attendez, vous n'allez pas m'abandonner. On sait, bon à rien, ils vont s'échapper. Non, pas le câble d'alimentation. Ça y est, on a un plan. Remettez ça en place. Attendez, c'est pas assez solide pour nous deux. C'est exact. À la voyure. Attendez. On se fixe. Mais non. Non, ne casse pas. J'ai encore tellement de choses à faire et à voir. C'est pas à ça que je pensais. Fais quelque chose, t'attends le dégel. Oh. Serre bien les jambes pour entrer dans l'eau, comme ça. Non. T'as vu, j'ai bien fait tout comme t'as dit. Oh, juste ciel, c'est haut, hein, plutôt haut, hein. Très très haut, terriblement haut. Mm-hmm. Ouais. Cool. Salut. Oh, si elle a pu le faire, allons-y. Et pour finir, atterrissage en douceur. Rita! Rita! Ah! Où est-elle? Rita! Objectif à 12 heures! Venons, imbécile! Ah! Oh! Hey, donc on fait attention, il y a une peau de banane! Rita! Ouf. Regarde, il est là! Oh! Ah là, tu fais moi le mariole, hein, Balthazar? Surtout, serre bien les jambes. Non. C'est pas croyable. T'as l'air boomerang. Rends-moi mon rubis. Mais je l'ai pas, votre rubis. Ah oui, là. Je crois que je l'ai, votre rubis. Je t'en prie, fais attention. Ce rubis a une grande valeur pour moi. Il n'a pas de prix. Une seconde. C'est du toc. Non, pas du tout. C'est un vrai. Non, il est en verre. Regardez. C'est un vrai. C'est du toc. Un vrai. Du toc. Un vrai. Du toc. Un vrai. Du toc. Un vrai. Du toc. Un vrai. Du toc. Un vrai. Non, une seconde. Il existe un test, regardez. Vous avez vu? On ne peut pas casser un vrai rubis. Ah, certes, j'ai peut-être agi un peu trop rapidement. Mais voyez le bon côté des choses. Je vous ai tiré d'affaire. Le crapaud, quand il saura qu'il ne vaut rien, ce sera tout pour chasser. Roddy St. James a triomphé. Juste ciel! Allez rendre service aux gens et il... Un service? Ce rubis est tombé de la couronne de la reine Elisabeth dans le tout à l'égout du palais de Buckingham! Bon, peut-être que les bijoux de la reine sont en toc. Arrête de bouger! Rita, est-ce qu'on pourrait en discuter? Vrai ou en toc, ce rubis allait changer ma vie! Allô, Anshin, traiteur chinois? Allô, aidez-moi, je vous en supplie. Je me fais attaquer par une furie. Furie, oui, monsieur. Et vous voulez du porc laqué? Elle est déchaînée. Pour le déjeuner, oui. Riz blanc ou riz cantonné? Vous avez du porc laqué? Non, attendez. Vous voulez du riz ou pas? Oui, c'est nul. Rita. Tu me lâches un peu, s'il te plaît? Vraiment désolé. Désolé, tu parles. Papa et moi, on a dragué les égouts pendant des années. Il s'est brisé presque tous les os pour retrouver ce rubis. Grâce à lui, toutes nos prières devaient être exaucées. Et aujourd'hui, je découvre qu'il est même pas vrai. Oui, c'est triste. Mais moi, je pense que j'ai peut-être une solution. Arrête, banane. Et non, c'est bien réel. Chez moi, dans mon appartement, on a un coffret à bijoux qui est plein de rubis et de diamants, tous vrais. Alors, tout ce que vous avez à faire, c'est de me ramener à Kensington. Et là, je promets de vous rendre plus riche que vous n'en aviez jamais rêvé. Qu'est-ce qui me dit que t'es pas en train de me faire marcher avec des belles paroles? Rien. C'est simple, vous n'avez qu'à me faire confiance. Faut vraiment que je sois folle. Enfin, d'accord. J'accepte le marché. Alors, à toi? Non, la tienne, banane. Où sont encore passés ces crétins? On n'est plus servis de nos jours. Croyez-moi, mes jolis. C'est la triste vérité, oui. Approchez, mes tout petits. Venez réconforter ce pauvre papa. Malheureux que je suis. Entouré de rappeler dans ce séjour, sans joie, sans soleil. Mais rassurez-vous, cher petit. Un jour, votre papa les éliminera tous. Comptez sur lui. Et ils seront totalement zigougouillés. Vous avez trouvé la chose? Hein? Ah, l'avez-vous trouvé? Patron, c'est-à-dire qu'on a presque tous les morceaux. Je me fiche du rubis. C'est le câble d'alimentation qu'il me faut. Celui que cette ignoble Rita m'a volé. Oh! Sans lui, tous mes plans sont fichus. Ah oui, c'est compris, chef. On oublie le rubis. Le rubis, c'est fini. Ça y est, ça y est. On passe à la suite. Dorénavant, on est câblé 100%. Faut se concentrer, ce câble au centré, patron. Rapportez-moi ce câble à temps pour la fine. Non! Génial! On va regarder le match ensemble, patron. Allez chercher ce câble! Serre bien les jambes, Spike! Vous êtes sûr qu'il est bien avisé de s'arrêter avec ses malfrats à nos trousses? Sans carte, on risque pas d'aller bien loin. C'est une maison, ça? Oui. Et elle est très dangereuse. Alors, toi, tu vas m'attendre ici. Moi, j'attends ici. Excellente idée. Fais gaffe, il y a des piranhas. Non! Ah! Ah! Tiens, c'est pour toi, Rita. C'est pour toi, toi ira. Enlève les doigts de ton nez, Fergus. Jojo, arrête de mordre. T'as vraiment bien choisi. Rita est à la maison. Oh, Rita. Maman. Oh, maman. Dieu soit loué, tu es saine et sauve. Rita. Salut, papa. Dans mes bras, ma fille. Oh. Oh, maman, il y a un voyeur. Qui c'est cet homme? Cet homme? Oh, c'est Tom Jones. Oh. Non, maman, c'est pas Tom Jones. C'est rien, c'est mon passager. Ouh, il est joli garçon. En tout cas, il entre pas. À la soupe. Oh. Elle est bonne, merci, maman. Alors, ça fait longtemps que c'est vous le fiancé de Rita? Arrête! C'est pas mon fiancé! Vous avez l'intention de faire une honnête femme de ma fille? Arrête! Oh. Eh bien, on a pensé qu'on pourrait se marier au printemps prochain, n'est-ce pas, Choupinette? Hein? Écoutez, je tiens à ce que vous sachiez tous que c'est... Tom Jones, mon idole! Oh. Alors, comme ça, tu t'appelles Roddy. C'est bien ça? Oui, c'est ça. Roddy St. James. C'est vraiment un nom magnifique. Salut, Roddy! Et toi, comment tu t'appelles, mon petit bonhomme? On me surnomme Gégène. Et d'où vient ce surnom? Gégène! Oui! J'ai compris. Rita, où dois-tu emmener ce beau jeune homme, hein? Bah, c'est-à-dire que voilà, c'est pour ça que j'ai besoin de tes cartes, parce qu'il vient du monde des hommes. À la cuisine, et que ça saute. Oh, chantez-nous une petite chanson, Tom. Mais papa, j'ai jamais dit que c'était sans risque. Non, c'est impossible, Rita, impossible. Jamais personne n'a réussi à franchir les rapides de Hyde Park. Arrête, papa, arrête. Oh. Il va nous payer. Je t'ai dit, je te répète, pour son argent, on n'en a pas besoin. Une nouvelle cuisinière, ça serait pas du luxe. Je parlerai la petite lady. Wow, wow, wow, petite lady. Je parlerai la petite lady. Oh. Et elle porte des grandes culottes. Oh, énorme culotte. Rita, c'est rien. C'est moi, Liam. Viens vite à la cuisine. Comme je t'aime, mon Ce type n'est pas celui qu'il prétend être. En vérité, il s'appelle Balthazar, passé par là. C'est un as international de vol de pierres précieuses. Oh, et écoute-moi, apparemment, il a provoqué le crapaud, il s'en est tiré. Il est dangereux. Mais moi, j'en ai là-dedans. J'ai un plan. Wow, wow, j'ai pas bam du papa. Oh, yeah. Quel talent, c'est magnifique. Oh, ce n'est rien. Alors, tu viens du monde des hommes? Oui. J'ai connu un de vos semblables autrefois. Ah, vraiment? C'était l'animal de compagnie d'une vieille dame. C'est charmant. Mais il n'avait personne à qui parler. Il se sentait très seul. Personne pour faire des câlins? Oui, je suis la Gégène. Oh, c'est pas une vie, vous êtes d'accord? Oh, il faut que je fasse la vaisselle. Attendez, je vous en prie, permettez-moi. Oh, quel gentleman vous faites! Génial! Alors, si je comprends bien, je livre Roddy au crapaud, on touche la récompense et on n'a plus qu'à se tourner les pouces le restant de nos jours. C'est ça ton idée? Ouais, le crapaud paiera une fortune pour sa capture. De toute façon, c'est un sale bonhomme, alors c'est pas grave. Oh, petit voyou, tu manques pas d'air. Jamais aucun de mes fils ne sera une balance. Chez les Muldoon, la parole donnée, c'est sacré. Il va voler ton bateau. Mais non, il va pas le voler. Il est en train de le voler. Arrête, tu dis n'importe quoi. Ça y est, il l'a volé. Quoi? C'est Robin des Bois, mais à l'envers. Oh hey, je croyais qu'on était d'accord. Moi aussi, je croyais. C'était un ami. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est une urgence, écartez-vous. C'est une urgence. J'arrive, Monsieur Jones. J'arrive. Épousez-moi. Roddy. Ah, la sale petite intrigante, je me passe très bien d'elle. Naviguer, c'est à la portée du premier venu. Y'a qu'à boire. À nous deux, Sid, tu vas avoir une surprise. Pardon. Allô, chez Sid, tatouage et hot dog. C'est Roddy. Vous vous rappelez? Le majordome. Roddy! Écoutez, taisez-vous. Si vous êtes encore là quand je rentre chez moi... Et comment tu comptes t'y prendre, hein, Roddy? C'était quoi ce bruit? Bon, faut que je te laisse, mon doudou. Si vous avez dérangé quoi que ce soit, je... Here's a little song I wrote. You might want to sing it note for note. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy now. Mais où peuvent-ils se cacher? Serre-toi de ta tête. Serre-toi de ta tête. Si tu veux trouver un rat, serre-toi de ta tête comme un rat. Salut les rats. Je viens d'avoir un tuyau. Ils sont en route pour Kensington. Bingo! Scrabble! Assez joué les mecs! Au rat mobile! Voyons voir. Je dois pouvoir arranger ça. C'est facile. Alors, de toute évidence, il s'agit de... Ah! Ça m'a brûlé au troisième degré! Ça sent la chair calcinée. Peut-être suffit-il de... Oh, ça fait très mal, ça. Oh, démarre, espèce de tâte, ferraille, rafio pourri, tu n'es qu'un lamentable... Lamentable lâcheur, magouilleur, escroc, sale traître. Alors, comme ça, c'est moi le traître. Alors, celle-là, elle est excellente. Figurez-vous que j'ai tout entendu, tout. Oui, vous et votre famille alliez me livrer au crapaud. Qu'est-ce que tu racontes? Oh, mais quel imbécile! C'était le projet de mon idiot de petit frère! Personne ne l'écoute jamais! Ah, j'ai dû rater un épisode. Comment t'as pu croire que je te trahirais? Quand j'ai donné ma parole, je tiens ma parole. Tes cheveux sont en train de cramer. Quoi? Écoutez, Rita... J'admets que j'ai eu tort et je vous présente mes excuses. Laissons derrière nous le poids du passé. T'as raison. Je vais laisser derrière moi le poids du passé. C'est une réaction totalement disproportionnée. Mais Rita, vous n'allez pas m'abandonner ici sur un canard! Sans pagaie ni aucun... T'as que ce que tu mérites! Ça t'apprendra à écouter aux portes! Vous êtes injuste, c'est par hasard que j'ai entendu ce que vous disiez! C'est ça! Enfin, Rita, je sais que vous n'avez pas l'intention de m'abandonner comme ça! Je vous connais, vous avez du cœur! Bon, peut-être pas après tout... Écoutez, si vous vouliez me donner une leçon, voilà, c'est fait! Je rame sur un canard! Je rame! Glaciale Rita, cruelle señorita, son cœur est un caillou, je lui offris un bijou. M'la gadarda, seul sur un canard, c'est pas très très joli de faire ça à Roddy. C'est moi, Roddy St. James de Kensington. Pauvre Roddy, chassé de son logis, Rita fera-tu fondre la glace? Pour les mêmes. Voilà cruelle Rita, glaciale Rita, sois donc plus tendre avec moi. Ah ah. Vous m'avez pardonné? Non, mais j'avais peur que tu chantes un autre couplet. En tout cas, j'écoutais pas aux portes, je peux vous le jurer. Tiens donc, sans blague. Ah, alors, qu'est-ce que tu faisais, hein? Je t'écoute. Mais rien du tout, Je vous regardais avec votre famille et je pensais que vous aviez beaucoup de chance. Tu parles d'une chance, t'avoir sur le dos? Alors, on reste associés? On reste associés. Écoutez, je voudrais vraiment me rendre plus utile ici. Assignez-moi n'importe quelle tâche. Soutier, navigateur, je pourrais tenir le gouvernail. Facile de s'en prendre au plus faible. Ordre du capitaine, les amis. Dégage. On ne veut pas de clandestins à bord de ce bateau. Oh, sale asticoglion, la sale. C'est moi qui commande. J'ai dit à bord. Tu veux dire bâbord ou tribord, Spike? Et voilà! À vous de jouer, les mecs! Rita! Pas tout de suite, pas tout de suite. Allez! Vous voulez faire la course? On verra bien si vous allez assez vite! Wouhou! Cherchez ce câble, les gars! Ça passe, ça passe! Ouais! Les coups à embrasser les... Au fait, tous mes vœux de bonheur! Rita! Serait-il envisageable d'aller plus vite? À la peine. On va leur offrir une petite douceur. Oh, je passe le turbo. T'as trop tiré sur la ficelle, Balthazar. Rita, tournez à droite! Quoi? Faites-moi confiance! Espérons que tu sais ce que tu fais! Oh. Et maintenant, tout droit sur la corde! On y va! Oh non! Ouais! Bien joué, Roddy! Ouais, on a gagné! Non, on n'a pas gagné. Oh, ce serait pas mal d'arriver à me reprendre à bord. Merci beaucoup. Suffit de demander. T'es bien décidé, Spike. Tu devrais faire attention, moi je me méfie de ces machins-là. Risque tout, c'est mon petit nom. Ah bon, je croyais que c'était Désiré. Je passais dans le coin, j'ai vu de la lumière. Au secours, Rita, faites quelque chose. Attention, accroche-toi. T'as une dernière volonté? Et oui, j'en ai une. Pourriez-vous avoir la gentillesse de disparaître en hurlant comme une fillette? Quoi? Oh maman. Yeah! Ouais. Oh, attention! Il y a trop d'étrangers à Londres! Tu crois que le patron va être fâché contre nous? Vous n'êtes bon qu'à ronger du fromage, bande d'incapables! Vous les avez laissés s'échapper! Ah! Jamais je n'aurais dû confier à des rongeurs une vraie mission de batracien. Où est-il? Pourquoi est-il toujours en retard? Oh. En garde! Le frog. Bonjour. Toujours en retard, ce frog. Élégamment en retard, mon ennuyeux cousin anglais. Ce sont les mœurs françaises. Écoutez, Rita et son nouveau complice ont volé un objet tout à fait essentiel. C'est arrangé, patron. On en a un autre. Un câble d'alimentation unique que rien ne peut remplacer. Il faut qu'il me le rende. Aucun souci, je le récupère en moins de deux. Quand je l'aurai, je réaliserai mon grand projet. J'éradiquerai enfin la peste, le fléau que sont les rats. Pardonnez-moi, mon pustuleux cousin anglais, mais votre étrange obsession des rats ne vous rend guère service. Elle fait de vous, comme nous disons en France, un doudingue. Peut-être oubliez-vous que c'est par la faute d'un rat qu'on me chassa du paradis. Oh, je vous en prie, pas ce maudit album souvenir. Mes mémoires. Le tome 1 narre au détail la tragédie de ma jeunesse. Oh, je m'ennuie. La tragique histoire du grand crapaud. De tous les animaux de compagnie de Buckingham Palace, j'étais le favori du prince Charles. Oh. Nous nous ébattions au soleil, jour après jour, dans un royal abandon, partageant la douce et magique complicité qui unit l'enfant au crapaud. Vous allez me faire vomir. Nous étions inséparables jusqu'au jour où il arriva. Ce rat. Un jour que le pauvre enfant avait le dos tourné, on me plongea cruellement dans un tourbillon de désespoir. Oh oui, je sais, oui, on vous jeta dans les toilettes et on tira la chasse d'eau. Bah, ce vin anglais. Il fait tout noir. Quel séjour hideux. C'est terrible. Mes tourments vous font rire. Je ne vois pas de meilleure raison de rire que les tourments d'autrui. C'est bien français. Assez, occupez-vous du câble. Allez. Grenouille française. Grenouille de combat. Une mission de la plus haute importance nous attend. Rien ne nous arrêtera. Départ sur le champ. Mais on n'a pas déjeuné. Départ dans 5 heures. Love, love, love, love. C'est très bon. Merci. Je trouve que je m'en suis bien sorti avec seulement une pomme, 6 raisins secs et un bol de riz. Du riz. Mais d'où vient cette crampe intérieure, cette envie de vomir ton 4 heures? Ce n'est pas du riz, c'est des asticots dans l'assiette. Ah, d'accord. Je comprends pourquoi les grains se sont écartés quand j'ai mis du sel. Dans le fond, on s'en est pas trop mal tiré, je trouve. Je suis obligée de reconnaître que je me suis peut-être trompée sur ton compte, mec. T'es pas aussi... Oh, la féroce Rita va-t-elle faire un compliment? Ça va, laisse tomber. Non, j'attends. T'es pas aussi coincé, pleurnichard, prétentieux et efféminé que je l'ai cru quand je t'ai rencontré. Merci, tu vois quand tu veux. Bon, maintenant, faut dormir un peu si on veut te ramener chez toi demain. Attrape. Parle-moi un peu de toi, Rudy. Tu sais, y a pas grand-chose à dire. Toi, tu sais tout ce qu'il y a à savoir de moi, y compris mes défauts. Je sais même pas ce que tu fais comme boulot. En fait, je suis dans un boys band. Tu plaisantes? Ah non, elle m'a reconnu, ta grand-mère. Non, blague à part. Parle-moi un peu de ta vie dans le monde des hommes, tes amis, ta famille. T'as bien de la famille, quand même. Oui, bien sûr. J'ai plein de frères et sœurs. On est toute une tribu, on est très unis. Si tu voyais comme on s'amuse. On va tous ensemble au cinéma, on joue au golf, on fait du ski. Je t'assure, c'est une vie de rêve. Je comprends que tu veuilles rentrer chez toi. Ouais. T'en fais pas. Je crois que demain, on aura tous les deux ce qu'on veut. Bonne nuit. Bonne nuit, Rudy. Bonne nuit. Bonne nuit. Bonne nuit. Bonne nuit. Bonne nuit. Bonne nuit, Rudy. Au lit, marin, la puce a faim. Allez, on arrive bientôt à Kensington. Arrime tout ce qui risque de tomber, ça va secouer. À vos ordres, capitaine. C'est gentil à vous, merci. Y a pas de quoi. Bonjour. Bonjour. Bonjour. Bonjour. Bonjour. Bonjour. Qui vous a donné l'autorisation de monter à bord? Allez-vous-en! Allez, que ça saute! Ouf! Ah, la petite demoiselle anglaise. Elle n'a pas froid aux yeux. The Frog. J'adore les femmes dotées d'une volonté farouche. Je te jure que tu vas me payer cet affront, ma petite tartelette au citron. Mais avant de passer aux actes, une page de publicité. Marcel? Ah, j'aurais dû m'en douter. Bien joué, The Frog. Je salue votre courage. Maintenant, Rita, rends ce que tu as volé. J'ai rien volé, moi. Cette petite comédie ballet doit immédiatement cesser. Restituez ce que vous m'avez dérobé. Ça suffit, arrête de danser. Je l'ai plus. C'était un faux, de toute manière. Quoi? Oh, le rubis. Il est ok, c'est bien triste, mais c'est mon cousin. Ça, c'est la meilleure. Oui. Ce rubis était une beauté, j'en conviens. Pas des plaintes. Mais ce n'était rien comparé à ce précieux câble. Je vois pas du tout de quoi vous parlez. Le câble. Retourne-toi. Le câble d'alimentation qui te sert de ceinture. S'il ne veut que ça, on le lui donne. Petite seconde. Je pourrais savoir ce que vous avez l'intention d'en faire. Surprise! La Coupe du Monde, regardez la finale et vous saurez tout. La finale de la Coupe du Monde? Assez, assez, cousin. Essayez de respirer, on s'occupe de tout. On récupère le câble, on liquide les rongeurs, et moi et mon équipe pourrons enfin nous restaurer. Allons-y, moteur et action. On sera ! Non, pas cette scène-là, idiot, celle du kung-fu. Je crois que j'ai un plan. Tire-moi ça, ne te mettra pas ça. Allez, vas-y. Une mouche, trois devant. C'est bien ma veine. Je n'ai pas dit mon dernier mot. Oh, attention, Ronnie, les rapides. Ah oh non. C'est la mort certaine. En garde. Rita, toi nous emporte. Fais quelque chose. Non, non, non, non, non, non, non. Au revoir, petite madame. Enlève tes sales pattes de là. C'est The Frog qui triomphe, imbécile d'anglais. Pauvre mangeur de pudding et de panse de brebis farcie. Vous vous croyez de taille à vaincre The Frog? 1, 2, 3. Faut pas plonger, faut ronger. C'est ma ceinture. Enfin, je crois. Je vous tuerai, sale rat. Adieu, Jamie, mon ami. Allez, ça va aller, ça va aller, ça va aller. Hé, tu ferais mieux d'ouvrir les yeux. On se voit, Kensington. Ouais, c'est ça, sauf qu'il y a 300 mètres de chute libre qui te séparent de ta chambre et de ton petit lit douillet. C'est où ta maison? Attends que je me repère. Inverness Gardens, Vicarage Gate, Kensington High Street. Et cette virée à gauche, c'est ça. Maintenant, à droite. Parfait. Là, ça va pas être facile. Ouais, t'as raison, parce que jusqu'ici, le reste, c'était un jeu d'enfant. Faut y aller, faut y aller. 45, 47, 49... Lâche tout. Alors là, c'est ce qu'on appelle un atterrissage en douceur. On a réussi. Je suis chez moi. L'équipage du Jamie Dodger est sain et sauf. Bah oui. Rita? Oh, quel idiot. Je suis le roi de la gaffe, c'est vrai. Le Dodger. T'y es pour rien, Roddy. On a vécu une sacrée aventure. Oh, Rita, vraiment, je regrette. Mais je crois que j'ai peut-être un moyen de te consoler un peu. Ta-da! Comme promis, les joyaux de Kensington. Et voici un authentique rubis. Ah, qu'est-ce qu'il est beau! Il est splendide! Et regarde bien! Totalement incassable! Oh, je sais vraiment pas quoi dire. Et tu crois que ça peut suffire pour entretenir toute ta famille? Et celui-là permettrait de payer le Jamie Dodger numéro 2. Bon. Ben voilà, je vais te laisser. Merci bien de m'avoir accompagné. Non, il n'y a pas de quoi. Roddy ? Oui ? Ce serait trop demandé. Si t'as le temps, je visiterai bien l'endroit où tu vis. Avec plaisir. Et tu me présenterais aussi ta famille ? Youhou ! Youhou ! Vous êtes là ? C'est toujours comme ça. Au moment où on a besoin d'eux, ils sont justement sortis. Freine ! C'est quoi ce truc étrange ? Pardon ? Ah, c'est ma chambre à coucher. C'est une cage. Ah non, tu te trompes. Pourquoi il y a une serrure et des barreaux alors ? Des barreaux ? Ah ça, j'ai fait installer un système de sécurité. Eh ben moi c'est pas tout, on a encore plein de choses à voir, hein, suis-moi. Roddy, pourquoi tu dis que t'as une grande famille ? T'es tout seul ici. Mais... Qu'est-ce que c'est que ça ? Ça doit être mon frère. Wouh ! Oh, quel match incroyable ! Il tire, il marque une reprise de volée superbe. Tiens, Rita, je te présente Rupert. Quoi ? Rupert, je te présente Rita. Ça faisait longtemps qu'elle avait envie de faire la connaissance de mon grand frère. Ah, ça c'est vrai que la ressemblance n'est pas très frappante. Disons que c'est moi qui ai l'intelligence et c'est moi aussi qui ai la beauté. Mais on est très unis, n'est-ce pas Rupert? Et bon, on pourrait rester des heures à bavarder, mais continuons notre visite, tu veux bien? Salut Sid. Salut Rita. Ton père, ça va? Mieux, oui. Merci, c'est gentil d'y penser. Rupert! Mais où t'es allé chercher ça? Amène-toi, mon pauvre vieux! Non, mais t'as vu la tête qu'il fait, hein? On dirait toujours qu'il va se mettre à chialer! Mon frère! Il n'a aucun ami, il est tout seul! Tout ce qu'il a, c'est une ou deux poupées! Et une toute petite roue dans laquelle il tourne dans sa cage! Il est trop mignon! T'es calouseur! Allez, c'est rien, Roddy. Tu trouves que ce n'est rien ? Mais regarde autour de toi, regarde ma demeure, c'est un palais. J'ai le droit de faire tout ce que je veux chaque fois que j'en ai envie. J'aurais tendance à dire que c'est un peu plus que rien. Franchement, à quoi me servirait-il d'avoir une famille ou des amis ? Bon, excuse-moi, mais maintenant, si tu as tout ce qu'il te fallait, je n'ai pas que ça à faire. J'ai ici un parasite dont il faut que je me débarrasse. Alors, j'ai plus qu'à te dire au revoir. Roddy St. James, de Kensington. Extraordinaire à disputer l'Angleterre. Allez les gars, oh, quel match génial. Relance. Oh frangin, amène-toi donc dans mes bras, allez. Tu m'as manqué mon petit Roddy. Apparemment tiens, il y a un blessé à l'autre bout du terrain. Prends-en un autre. Tiens. Non, idiot. C'est machin, ça se mange. Pousse-toi ou je te vire. Quoi? Le jeu. Pousse-toi. Ah non, en fait, les deux équipes vont faire rentrer un remplaçant. Si j'étais à ta place, je ferais gaffe à pas boire autant, je t'assure. Tu vas jamais tenir jusqu'à la mi-temps. Qu'est-ce que tu disais ? Je me retiens pour aller aux toilettes jusqu'à la fin de la mi-temps, histoire de pas rater une belle action. La mi-temps ? Il va attendre la mi-temps ? Ces vannes finiront forcément par s'ouvrir un jour. Non, pas le câble d'alimentation! Je pourrais savoir ce que vous avez l'intention d'en faire. Surprise! La Coupe du Monde, la finale, regardez-la et vous saurez tout! La mi-temps. C'est évident. C'est l'idée du crapaud. C'est pour ça qu'il lui faut le câble. Quand tout le monde ira aux toilettes, il tirera la chasse sur la ville tout entière. Viens avec moi. Oh non! Je veux pas rater le match. Quel match! Oui! Bowers, le milieu de terrain, reste au sol et il a l'air... Tu vois bien, Fergus? Oui, ça va, maman. Ils ont même pas de casque! C'est qui leur quarterback? Assez de jouer au pied, ramasse ce ballon! Oh, ces rosebifs connaissent vraiment rien au football. Vous vivez vos dernières minutes. Profitez-en, sale vermine. Je tiens Rita, patron. Je la tiens. Tu vas me lâcher, rebut de laboratoire. Raté. Quoi? Oh, Rita, que c'est gentil à vous de me restituer le câble. Bonjour. Ça y est, enfin. Il est à moi. Tiens, prends-le quoi. Que la lumière soit. Non, pas la chasse d'or, Rudy. J'arriverai plus à survivre en bas. Je me suis ramolli, tu sais. C'est toi qui vas tirer la chasse d'eau sur moi. C'est moi qui repars. En bas? Rita est en bas, elle est en danger. Tout le monde est en danger en bas. Toi, tu es heureux ici, oui ou non? Oh oui, Roddy. Ici, je suis comme un coq en plâtre. Si je te laisse ici, tu seras gentil avec Tabata, la fillette qui s'occupe de moi. Jamais elle aura connu un rat aussi gentil. Je serai poli, sympathique et bien élevé. Si tu es chez toi ici. Ouais. Bon, on refait le coup du jacuzzi. Dépêchons-nous, il faut que j'y aille. À vos ordres, chef. Au revoir, Sid. Salut, Rodnixon de je sais pas quoi, de je sais pas où d'ailleurs. À l'attaque. Alors, on verra un élu qui tombera du haut des cieux parmi nous, et lui seul pourra nous sauver de la grande inondation. Oh. Je vous prie de m'excuser. Il ne reste plus que deux minutes avant la mi-temps. C'est un... Rita! Rita! Rita! Rita! Et maintenant, ouverture de la cérémonie! Rita! Ventilateur pour supporter! Hey, demandez spéciale, à ventilateur! Hey, spéciale. Le petit joueur de flûte fait des milliers de victimes à Hamelin! Bande d'amour! Bande d'amour! Rita! Rita! Rudy! Non, je te demande pardon. J'ai été bête. C'est toi qui avais raison. Tu avais raison sur toute la ligne. J'aurais dû t'avouer la vérité, mais j'avais peur que tu te fâches. Rudy, ça t'ennuierait beaucoup qu'on parle de tout ça après que tu m'auras sauvé? Ah, bien sûr. Assez perdu de temps. Quand on sifflera la mi-temps et que dans le monde des hommes, ils iront tous faire pipi, les chasses d'eau engloutiront la ville. Je sais. Et toute ma famille est devant l'écran géant. Il faut qu'on prévienne tout le monde. Attrapez-les! Ennuyeux, ça. Blanco! Ben quoi? J'ai profité de l'occasion, c'est tout. Vous pensiez pouvoir me ridiculiser? Pour ça, il a pas besoin de nous, le gros. Alors, jeunes idiots, vous étiez sûrs de votre coup, hein? Rira bien qui rira le dernier, quand tous les sales rongeurs dégénérés finiront noyés. Car alors, je repeuplerai la ville de mes enfants. Est-ce l'aube glorieuse des patraciens, papa? Tout ce que tu voudras, mon trésor. Je peux avoir un poney? Non. Un petit chien? Nous en reparlerons. On peut en parler tout de suite? Non. Non, personne n'aura de petit chien, ça suffit! Papa, il faudrait qu'on descende pour arracher le câble. C'est trop loin. On n'y arrivera jamais. L'Angleterre est en train de gagner. Tout est possible. Mais à moi, Blanco. Hein? C'est le moment. Il s'enfuit. Non. Ça roule, patron. Oh, Blanco, il mord le derrière. Tiens bon, j'arrive, Spike. Oh. Imbécile, arrêtez-les. Dernier étage, lingerie, articles de toilette. Mort garantie. Faut-il que je fasse tout moi-même? L'arbitre vient de siffler la mi-temps. Nous reviendrons dans quelques minutes après une courte pause. Trop tard, vous n'y pouvez rien. Tous ceux de votre espèce sont condamnés. Tu crois ça? Alors approche, viens nous attraper, gros sac de bave. Oh non. Van, c'est par ici, vite, dépêchons-nous. Anita, si je dois mourir, vous mourrez tous les deux avec moi. Mais bien sûr. Arrête de bouger. Viens m'attraper, gros sac plein de bave. Fais attention. Yes. Finissons-en. Lâche-moi. Adieu, sale rat. Rita. Alors, on s'est parti à sa langue. C'est pas drôle. Elle a pas eu. Vite, vite! Allez, l'Angleterre! Mais non! Derrière vous! Faut que ça marche! Faut que ça marche! Faut que ça marche! James. Tu parles. Hein? Ignoble vermine, vous me paierez cette famille. Vous me fatiguez, cousin. Achetez plutôt un chien aux enfants. Rita, je me disais que si tu commandais un Jamie Dodger numéro 2, tu aurais peut-être besoin d'un quartier maître. Left a good job in the city, working for the man every night and day. Rolling on the river, the river. Ça y est. Salut, Tom. Où se fait un câlin? Larguez les amarres. Oh,